France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Que d'eau, et donc que de bateaux, que de marinières et de mariniers. En 1988, Josette Collin proposait une série de nuits magnétiques consacrées aux mariniers. Le premier rendez-vous avait été consacré à l'âge d'or de la batellerie, le deuxième à la batellerie artisanale aujourd'hui, comprendre donc à la fin des années 80. Pour le troisième rendez-vous, c'est au tour de la batellerie industrielle d'être un objet d'étude, vivant et in situ, le Rhin en étant le décor. Des mariniers donc, mais aussi des éclusiers, des timoniers, le pousseur, l'autorisation des écluses, la formation à la navigation industrielle sur le Rhin. Cette série de nuits magnétiques réalisée par Mehdi Elhadj avait obtenu le prix Paul Gilson 1988. Première diffusion de ce volet sur France Culture, le 21 janvier 1988, présentation Laure Adler. Espérance, ville de Nantes, laborieux océan, Marie-Louise, Surcouf, arc-en-ciel, brise des nuits, berceau du marin, aventure, talisman, liberté, Justine, cœur de Flandre, bonne nouvelle, Jean Bar, grâce de Dieu. Nous, les terriens, eux, les mariniers. Bief, écluse, gardeau, flûte, chaland, exhaussement du bief, péniche automoteur fraissinée, canal latéral, ascenseur à bateau, voûte, navigation intérieure. Nuit magnétique, toute cette semaine, les mariniers. Josette Collin, Mehdi Elhadj, Michel Créis. Les mariniers, autrefois, étaient des gens du bord de l'eau, des gens sans racines, des gens des bouts de berge, des gens du bord de l'eau et de la terre, du bord extrême de toute chose. Nous, gens de la ville, nous avons l'habitude de les imaginer comme vivants au bout du monde, jaloux de leur privilège de quasi-immobilité, gens de l'eau douce, connaissant les humeurs du ciel, les odeurs de la terre, la quiétude des eaux calmes. L'image des mariniers nous renvoie à un passé nostalgique. Or, il y a les faits. La batellerie artisanale se porte mal, et l'émission le disait hier. Le caractère marginal des canaux dans le système de la navigation n'a fait que s'accentuer. Les péniches ont quitté, ou presque, les canaux de Bourgogne et de Bretagne, et une partie du réseau se dégrade. Des canaux ont été déclassés, radiés de la nomenclature des voies navigables. Hier, c'était donc l'évocation de la batellerie artisanale. La batellerie est aussi industrielle, Josette, mais en fait, elle se heurte à de nombreux problèmes. Et vous avez décidé d'aller sur le Rhin. Oui, et là-bas, c'est vraiment l'autre versant de la navigation fluviale. C'est ce que l'on appelle effectivement la batellerie industrielle. Et cette fois, nous avons embarqué à bord d'un convoi de 18 000 tonnes qui navigue sur le Rhin. Et nous y avons découvert que la navigation sur le Rhin était soumise à une réglementation tout à fait particulière et que le mode de vie à bord de ces pousseurs est vraiment très différent de celui que nous avions rencontré dans la batellerie artisanale. Les mariniers, toute cette semaine, ce soir, voyage numéro 3 sur le Rhin. Dans l'avant-port, et là en bas, on sort de nouveau sur le Rhin. Et le Rhin canalisé maintenant. L'Allemagne, c'était quand même pas si bien que la Hollande, puis que la Belgique. Hein. Parce que les canaux sont plus grands. Et puis, c'est pas la même navigation. Et les rivières, pour le Rhin, tout ça, c'est pas rigolo quand il y a beaucoup d'eau. Hein. J'ai été sur le Maine, là, ben, vous savez, il n'y avait pas de, crue, rien. Le Maine était vraiment bien. Alors là, ça allait bien pour entrer dans les écluses. Mais quand il y a beaucoup de flotte, eh ben, ça, vous savez, ça va pas si bien que ça. Hein. Ça coule, c'est coulant. Hein. Puis pour rencontrer les bateaux, il n'y a pas beaucoup de place. Alors tout ça, ça fait quand même de l'effet. Hein. Mais par exemple, vous savez, question d'être bien vu par les Allemands, on est pas mal vu, hein, au contraire. Ils donnent bien des renseignements et tout. Hein. Enfin, c'est une puissance qu'on n'aime pas beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on a été... Hein. Mais sans ça, les gens, il y a des gens qui ne voulaient pas la guerre non plus, hein, chez eux. Ils sont comme nous. Hein. Enfin, moi, je n'ai pas à me plaindre d'eux non plus pour cette question-là. Alors, sur le Rhin, il y a quand même une autre navigation qu'ici. Hein. Là, ça... C'est coulant. Là, on est forcé de prendre un pilote parce que... Il faut une patente pour naviguer. Alors, celui qui y va 2-3 fois par an, il ne peut pas avoir sa patente tout de suite. Hein. Alors... Quand il a navigué plusieurs fois, qu'il est vraiment habitué, là, il peut passer sa patente, il est tranquille. Mais c'est une rivière, vous savez, hein. C'est pas rigolo non plus. Nous avons toujours sur le Rhin des parties de fleuve qu'il faut connaître. Et le fleuve, même s'il est, je dirais, un petit peu dompté par la canalisation qu'on a en Alsace, il n'est pas dominé. On ne domine pas un fleuve, on l'arrange un petit peu, on a enlevé certains rochers qui étaient dangereux, on a essayé de creuser le chenal par le biais d'épis qu'on met dans le fleuve pour le remettre dans un lit, le chenal. Mais disons, pour autant, il y a encore des bancs de sable. Il y a le problème de la navigation par basse eau, où il faut alléger les bateaux, donc on ne peut pas non plus passer à tous les endroits. Il y a le problème du vent. Il faut bien savoir que sur un fleuve, vous ne pouvez pas vous laisser dériver, comme en mer, où vous avez de la place. Sur le fleuve, ça fait, par endroit, ça fait quoi, 70 mètres de large. Donc passer sous les piles de pont... Vous avez 30 mètres de large par an, donc le risque est important. Avec quand même des courants qui montent aux environs de 7 km à l'heure. La Marne, hein, à partir du plan incliné, à partir d'ici, c'est-à-dire jusqu'à Strasbourg, toutes les écluses sont automatisées. Et cela actuellement par chaîne d'écluses. Hein, alors il y a actuellement 4 chaînes d'écluses. 4 chaînes d'écluses. Hein. Alors moi j'ai la première chaîne d'écluses, c'est-à-dire j'ai 7 écluses sous mon contrôle. Où il y a, vous voyez, le synoptique actuellement, parce que je vous explique tout ça, ça va changer. J'ai le contrôle des premières 7 écluses. Alors s'il y a une péniche, pas vous qui remontez, hein, une péniche qui descend en avalant, je mets la première annonce à l'écluse. L'écluse se prépare automatiquement, sans intervenant de qui que ce soit, puisqu'il n'y a plus personne sur les écluses. Enfin, il y a encore des gens sur les écluses. Et une fois que la péniche est rentrée de l'écluse, ou la violette, elle s'amarre, elle n'a qu'à tirer la tirette de bassinet, et puis l'écluse automatiquement, vous êtes éclusé automatiquement. Et dès la sortie de l'écluse, vous êtes enregistré automatiquement à l'autre écluse, dans le secteur des 7 écluses de chez moi. Hein. Dis-moi, alors tout se passe, si vous êtes programmé pratiquement, si vous sortez d'une écluse à l'autre, vous êtes programmé tout à fait dans cette chaîne-là. Alors, ce qui va être fait dans un prochain temps, là vous voyez tout le pupitre, c'est-à-dire toutes les quatre chaînes d'écluses vont être recoupées ici. Il y aura toute la surveillance ici, disons, de 28 écluses. C'est-à-dire à partir de celle-là qui est la 18 en principe, jusqu'à l'écluse 46. Tout ce secteur-là va être surveillé à partir d'ici. sommes sur un ouvrage très important qui s'appelle le plan incliné de Hartzwiller, qui évite 17 écluses. 17 écluses, c'est ça. Disons, le niveau actuel que vous voyez là, le niveau amont, il rejoint, disons, l'ancienne écluse, l'écluse numéro 1. Hein. Et puis, là où arrive la péniche, là, vous avez dû voir en venant l'embranchement de l'ancienne écluse. Alors, toutes ces écluses-là étaient manuelles. Hein, il fallait le manœuvre. Hein. Et puis, à certains moments, elles étaient assez rapprochées, qu'il y avait juste... Le bief était la longueur d'une péniche. Alors, il y avait un passage spécial, s'il fallait se croiser, la péniche, il fallait que se mette complètement de côté pour laisser passer l'autre péniche. Alors, c'était, disons, un goulet pour la navigation, puisque dans un temps normal, il y avait beaucoup de navigation. Il fallait entre 8 et 10 heures pour passer ces 17 écluses. Et actuellement, on fait la même manœuvre, disons, en une heure. Et c'est dire, si actuellement encore, on aurait encore... comment je veux dire, la vallée avec les 17 écluses manuelles, je pense que le trafic de commerce a encore baissé beaucoup plus, qu'il y a une baisse actuelle ces dernières années. Hein. Allô ? Oui, bonjour, c'est Jean-Pierre Lacroix. Écluse 1. Ja. Der Almi am 13.50 Uhr. Ja. Der war gerade noch so durch, komm mal her. Mhm. Nee, schon schnicks. Bei der Ding ist durch, die Leute Leute eh gehen, ne? Das ist durch, ne? Ja. Nee, schon ist nichts. Ja. Hoppla. Allez. Salut. Marche arrière. 4,27 m, d'après ce que moi j'ai compris. 4,27 m, ça ferait un peu bas. Est-ce qu'on cherche? Regarde, on cherche à ne pas écraser le canot pour commencer. Et deuxièmement, à ne pas se passer avec la main. Hein. Faites-les continuer à mettre de la barre droite. Et là, demi-barre à droite. Tenir. Oui, oui. Qui tiennent dans la main, tu vois, on s'est écarté déjà. Regarde la position qu'on a par rapport à tout à l'heure. Tu vois ? On s'écarte pas plus beaucoup. Hein. Voilà. Tu lui fais larguer la garde arrière. Larguer la garde derrière. Voilà, regarde la garde arrière. Tu vois, le bateau recule. D'accord ? Et dégage là en même temps. Ok ? Maintenant, on va partir comme d'habitude, mais je vais laisser mon moteur. Regarde l'effet du bateau. Mets de la barre, parce que toi tu vas dégager l'arrière. Là, le bateau avance alors que j'ai un moteur en arrière, un moteur en avant. Et regarde l'arrière comme il va s'écarter. Regarde comme il se dégage du quai. T'as vu ? Ça stoppe la marche arrière, d'accord ? Là, c'en est un autre, c'est le RAS. Tu laisses ta barre tout à droite, hein, parce que je te pousse avec ce moteur là. Faudra tout de suite, oui merci, j'ai vu. Je ne sais pas s'il va dans l'écluse aussi, il revient à zéro. RAS, vous prenez l'écluse nord ? RAS pour le climat. Les feux de l'écluse ? Ils sont rouges apparemment. Horizontal, vertical. Je peux faire demi-tour. Hein. Alors notez cela, voici deux situations et la représentation sur le scope. C'est une façon d'appeler l'écran, la partie visible, donc du tube cathodique. Et vous allez dans le cahier, donc d'abord représenter une situation et ensuite la remonter sur l'écran. Vous représenterez le bateau comme on a l'habitude de le faire. Mais là, dans la situation oblique, vous le voyez entre les carreaux. Donc, on va le mettre avec un cap à 45 degrés. Et autour du bateau, nous allons passer deux bouées. Une bouée devant et une bouée, regardez, sur les diagonales qui sont là. On va tracer d'abord la trace radiale. Alors, voulez-vous m'indiquer, s'il vous plaît, Friedman, Hein, cette trace radiale sera quoi? Dans le schéma. Je peux faire attention. Bon, écoute, tu fais attention sur le scope, où est la trace radiale? C'est un pas trop vite, chef. C'est un pas trop vite. Le vent qui va de nouveau te sortir un petit peu. La voie la prochaine échelle. Oui, c'est ça. Alors, à partir de là, tu battes en arrière avec le moteur tribord et tu mets pas de la barre à bâbord. Non, de la barre à bâbord. Parce que regarde-moi, si j'accélère en arrière, regarde le phénomène, qu'est-ce qui va se passer. Tu vas se couler comme ça. Regarde, t'as vu ton avant? Donc tu mets. Vas-y. Ah, mais tu joues. Nous ne formons pas pour, je dirais, la navigation de canal, où c'est beaucoup plus une navigation de type artisanal. Hein, le gars qui a sa péniche, et très souvent, là, il y a une formation de père en fils, et le jeune, à ce moment-là, est apprenti au centre de formation d'apprentis de la navigation intérieure, qui se trouve en région parisienne, au Tremblay. Nous, on forme plutôt des gens pour la navigation de type industriel sur le Rhin. La différence est aussi une différence de taille entre les engins. Hein. À titre d'exemple, une péniche de canal, ça fait aux environs de 250 à 300 tonnes. Sur le Rhin, ça monte à 15 000 tonnes. Une barge peut charger jusqu'à 3 000 tonnes d'un coup. Et on peut mettre plusieurs barges ensemble. Alors, nous formons plutôt pour cette navigation industrielle. Qu'est-ce que je trace là dans le cerf? Je trace un rayon. Je trace donc un rayon vertical. La trace radiale, c'est-à-dire la direction de l'avant du bateau. Sur cette trace radiale, vous retrouvez la bouée A. Regardez là. Sur cette trace radiale, je porte la bouée A à une distance que vous avez choisie, peu importe laquelle. Là, voilà. Voilà donc maintenant l'écho de la bouée A. J'aimerais que vous me disiez dans quelle direction j'aurai l'écho de la bouée B. À 90 degrés, parce que la bouée est par le travers tribord. Voilà donc dans cette direction. Je n'ai pas besoin de tracer là. Un trait vert, je vais porter la bouée B. La bouée B, vous voyez que sur mon schéma, elle est plus rapprochée que la A. Donc, à une distance plus rapprochée, j'ai ici l'écho B. J'ai représenté sur l'écran la situation réelle. La trace radiale maintenant, et l'impression que cette trace tourne. À vous de le faire maintenant. Allez-y. Allez, tracez ça, les gens ne vont pas vous retarder. Oui. Le trait B, on ne le trace pas. Il n'y a pas de trait B. Charles Le Berrier. Mais qu'est-ce que c'est là? C'est le nom. Ah, on peut passer malgré la locomotive, hein? Je sais pas. Combien d'échos, Fischer? Tu les vois maintenant, tes échos là, sur les ponts? Je suis sûr que tu as au moins 3 ponts, sinon 4. Vous voyez, une fois de plus, ils ont remonté le mât, ils n'ont pas eu l'ordre de la passe là, tout à l'heure. Ah oui, là, ouais. Tout à l'heure. Donc, ils ont fait un travail pour rien, c'est bien fait. Alors, celui qui est aux ordres va pouvoir leur dire, on remonte le mât. On remonte le mât. Sur la grue d'abord. Alors, c'est une formation donc après une classe de 5e. En 3 ans. Le jeune, quand il est chez nous, il est à peu près, en gros, hein, pendant 20 heures en atelier et une quinzaine d'heures en enseignement général. Nous avons 2 matières qui, au niveau de l'examen, ont une grosse importance. C'est 1, le sport, étant donné qu'ils ont une épreuve éliminatoire en natation. Bon, ça se comprend. Vu les risques de chute, il faut bien voir, quand une barge est verglacée l'hiver, l'accident est vite arrivé. Et on a une épreuve obligatoire au CAP qui est la langue allemande. Il faut savoir que toutes les communications sur presque tout le Rhin, les communications radio, sont des communications qui se font en langue allemande. Donc là, une bonne connaissance de l'allemand est un atout pour nos jeunes. On va signaler, tu vas dire Simon, Fred, Oberhalb, der Europa-Brücke, der Backport zu Tal. Tu appuies. Voilà, tu appuies là-dessus. Ouais. Schul Schiff Pimon, non, tu ne mets pas l'oreille comme ça, 30 cm. Schul Schiff Pimon, Fred. Fred. Oberhalb, der Europa-Brücke. Oberhalb, der Europa-Brücke. Europa-Brücke. Der Backport zu Tal. Numéro par port sous tal. On va donner des signaux, parce qu'il n'a peut-être pas beaucoup compris. Oh, Dreymal Room qui l'a dit. Mais monsieur, il doit laisser les. Monsieur, il doit laisser le. Tu vois, t'as quand même répondu, t'as quand même compris. Hein. Monsieur, t'as dit Dreymal Room. Il doit laisser le mât en bas. Hein. Oui, oui, bien sûr, faut pas remonter le mât. Eh, hey, ramassez le mât. Descends le mât. Avec le niveau qu'on a, il passe. La barre est à gauche toute. Oui, PK293, viré sur bâbord, tu reviens à zéro. Et tu vas voir comment ça va aller. Ça fait un bon exercice. Moi j'aurais dit, ça le fera des muscles. Si tu continues sur ces deux panneaux, tu te prends en plein le pilier. Alors tu te mets bien à droite. Qui pousse devant lui. Et tu vas voir, les deux autres panneaux vont sortir du pont rail et c'est là-dessus que tu vas t'aligner. Vous avez bien compris, hein, surtout ne vous alignez jamais sur les deux panneaux du pont route. Parce que regardez dans l'alignement le pilier. Vous le prenez en plein, et surtout dans le brouillard. D'ailleurs, Fischer, il doit l'avoir, sa ligne de foie doit frôler, la ligne de foie du radar doit frôler le pilier, là. Regarde voir. Alors, quand il sort de chez nous, donc, il est relativement armé, donc il a ce CAP en main. Il a un certificat de radiotéléphoniste du service fluvial. Quand il quitte chez nous, donc, il est matelot en général pendant... Bon, il y en a qui restent matelot, ouais. Je dirais presque à vie, hein. Mais disons, le jeune qui en veut, il y a après 4-5 ans de pratique du fleuve, une espèce de bifurcation où il y a deux options qui peuvent être prises, soit passer aux machines et devenir mécanicien à bord, soit passer timonier. Une fois qu'il connaît bien, qu'il a de la pratique dans le fleuve, il peut se présenter à un examen qu'on appelle la patente du Rhin, qui est encore une fois un examen qui est contrôlé donc par le service de la navigation du pays d'origine du pilote et qui lui permet ensuite de piloter les plus gros engins sur le Rhin. Si vous voulez, c'est le permis poids lourd du Rhin. Donc, une fois qu'il a cet examen, il est capitaine, il a un titre de capitaine ou de commandant. Voilà à peu près là. La carrière d'un pilote du Rhin. Bon, on amorce la sortie sur le Rhin. Je reviens avec ta barre. 1-0. Hop, le bateau vire assez vite. Voilà, demi-barre à droite. La barre à droite toute. moment, quand c'était pendant les vacances de Pâques, là, j'étais parti sur une péniche pendant 2 semaines. Moi, je sais plus sur quel truc on était. Hein. Moi, c'était pas le Rhin, en tout cas, ça, j'en suis sûr. C'était trop petit pour que ce soit le Rhin. Non, ben, on était parti comme en ça vacances. 2 semaines. Ouais, ouais, non, mais c'était en vacances. Bon, moi, j'étais en première année, là, ben, bon, je pouvais prendre la barre, quoi. Je me voyais plutôt trop petit, quoi. Et puis, bon, je préfère ici. Il y a plus de choses à faire que là, sur une petite péniche comme ça. C'est... Et la péniche, je sais pas, c'est trop, si on veut dire, trop cool, si on préfère. Là, au moins, il faut travailler, là. C'est passionnant. Tu penses que sur une péniche, on travaille pas? Si, on travaille aussi, non, je dis pas le contraire, mais... Non, mais... Ok, on travaille aussi, mais... C'est... Je sais pas. C'est trop cool à mes yeux, quoi. Peut-être pas aux yeux de certaines personnes, mais... Alors là, vous avez... C'est ici que vous avez l'arrivée des convois poussés de la CFNR, dont vous avez les bureaux là, en face. De la CFNR, compagnie française donc de navigation. Alors les convois poussés sont amenés jusqu'ici par des gros pousseurs de ligne, ils les déposent et c'est ensuite des plus petits pousseurs qui les reprennent pour les mettre en place aux différents endroits du port. Alors là vous avez des barges pour des produits pétroliers qui très souvent sont chargés ici au port au pétrole un peu plus loin. Puis ensuite ils sont repris donc dès que la ligne arrive pour être poussée plus loin. Donc, vous voyez un peu la différence entre la petite péniche de canal qui fait 39 mètres sur 5 sur ces barges qu'on peut assembler en grand convoi. La barge chargé 2829 tonnes. C'est là l'arrière. Ici, bon, on ne sait pas comment les bateaux ils arrivent. Hein, il y a juste les bateaux à Avalon qui sont signalés. Mais les bateaux montants, c'est dans ce sens, hein, ceux-là, ils ne sont pas annoncés. Donc, c'est à fur et à mesure, les bateaux, ils s'annoncent. Ils disent, bon, tel est tel bateau montant, nous donne sa longueur, largeur, et suivant, alors c'est nous, ça, c'est notre rôle. Hein. On dit, bon, vous aurez le petit sas, vous aurez le grand sas dans 20 minutes, dans 15 minutes. Puis notre rôle ici est de passer les bateaux dans les meilleurs délais en économisant le plus d'eau. Parce que toute l'eau qui passe ici, c'est de l'énergie perdue. Et il faut quand même dire que pour vidanger un grand sas, ça représente 60 000 mètres cubes. Alors ça fait quand même une masse d'eau assez importante. Alors c'est normal, on utilise le plus possible le petit sas, qui fait la moitié, qui fait seulement 30 000. Trafic, il est jour et nuit, toute l'année. Il y a juste un jour, juste une nuit, la nuit de Noël, puis la nuit de Nouvel An. Vous ne travaillez pas? Voilà, tout le reste, c'est 24 heures sur 24. Ça c'est les cuisiniers qui appellent. Enfin, pas nous. Parce qu'il y a l'écluse du noyau, enfin canal 22, puis Gerstheim, canal 20, pour que quand on appelle une écluse, pour qu'il n'y a pas l'eau qui est en communication. Ouais. Ouais, ouais. Oui, là qu'on entend, ça c'est l'interphone pour parler avec le timonier qui est devant. Qu'est-ce qu'il vous donne comme indication? Mais quand on est rentré dans l'écluse, les distances, latérales et les distances vers l'avant. Vous savez, parce qu'il y a juste un mètre de place entre. Alors il me dit à 20 cm d'écart, à 30 cm d'écart, et puis il me dit 20 mètres devant la porte. D'abord il commence à 60 mètres devant la porte, 40 mètres, 20 mètres, et puis il me dit les distances, 1 mètre d'écart du mur guide, parce que ça on appelle ça le mur guide là. On se met contre le mur guide pour bien rentrer dans l'écluse. Parce que là, les écluses, là, le Neuhof, et en allant vers Gamsheim, c'est un peu plus large que les premières qu'on a construites. Parce que ça fait 23 mètres de large, et puis les écluses, 22,80 mètres, les écluses, ça fait 23 mètres, alors il n'y a pas beaucoup de place. Vous voyez ? Vous avez 10 centimètres. Ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas venir de travers quand vous êtes chargé. Parce que si vous venez un tout petit peu de travers, comme ça. Il y a la tour qui éclate ou n'importe quoi, il faut toujours rester. C'est pour ça que lui, sur lui devant, il faut naviguer. Ce que le timonier lui dit, ben c'est là-dessus qu'il faut écouter. Quand il vous dit il y a 20 cm d'écart, c'est qu'il faut il y a 20 cm d'écart. S'il y a 30, ben ça cogne, vous savez, c'est à peu près... Parce que là, les nouvelles églises, il y a des murs guides, alors vous savez, vous le laissez venir sur le mur guide avec la défense. Alors vous savez, maintenant c'est bail, alors ça rentre. Mais quand il y a les anciennes écluses, il n'y a pas de mur guide, il y a directement... Les deux murs de l'écluse, alors il faut venir déjà d'assez loin, il faut déjà venir bien dans le prolongement pour rentrer. Alors c'est des manœuvres qui durent assez longtemps pour rentrer. Là ça va encore, c'est aller assez vite pour rentrer. Mais en amont quand il n'y a pas de mur guide, ça dure un quart d'heure, 20 minutes pour rentrer dedans. Là, ça va aller vite, vous avez. Mais autrement ça va plus lentement. Je crois que le meilleur moyen c'est de Ja, Moment, ich gebe euch die Kleinschleuse in 10 Minuten, die kommt leer hoch. Ja, alles klar, merci. Ça, c'est maintenant un bateau à Avalon qui s'est annoncé. Bon, comme il est seul, comme le grand sas, je le prends pour. D'abord, je vais lui dire qu'il peut y aller. Hein. Ben, je lui ai dit que. Ah, oui, ouais, bon, attendez. Bon, Colmar, vous pouvez y aller, hein. Je vous mets le feu vert. Alors, ça se passe comme sur la route, hein. Il y a les feux verts, les feux rouges. Hein. Ça se passe exactement comme. Bon, ce qui est peut-être intéressant, bon, vous voyez, à partir d'ici, il y a tout, avec un seul agent, hein. Bon, il y a toute la manœuvre, enfin, toute l'exploitation des écluses, qui se fait à partir d'ici. Il faut que ça colle les 10 minutes, sinon il va rester l'autre. Alors là, vous pouvez voir une manœuvre concrète, par exemple, du petit sas, hein. Alors, c'est pareil, hein. Il y a le schéma synoptique, hein. Alors on voit exactement dans quelle position que le sas, bon ça on le voit ici, hein. Bon la porte elle est ouverte. Alors pour l'instant, bon maintenant, il y a les feux, bon je mets les feux rouges à l'intérieur, à l'intérieur et à l'extérieur. Bon, on voit qu'on est au niveau, on a l'égalité aval, donc on est au niveau aval. Alors on a deux possibilités, on a un cycle automatique, c'est-à-dire avec une seule manœuvre, vous lancez le cycle complet. C'est comme sur une machine de... à laver, hein, avec une opération. Alors, bon, en grand, c'est cette manœuvre qu'on prend, hein, parce qu'on a le téléphone, on transmet les bateaux au carring, tout ça. Alors, disons en grand, une fois que les bateaux sont amarrés, hop, on lance le cycle et puis on s'en occupe plus. De temps en temps, on regarde s'il n'y a pas d'amarre, hein, s'il n'y a pas un bateau qui recule, ou ça, c'est une question de sécurité, mais autrement, on s'en occupe plus. Hein. Il y a de Mulhouse. Ont déchargé des hydrocarbures. Il y en a une qui a chargé la potasse à Mulhouse, qui va sur Anvers. Puis il y a la vide à Sille qui va en réparation à Strasbourg. Et puis nous rentrons dans le port de Strasbourg, on découple nos barges et on va rouiller sur Iffetsheim, rechercher quatre autres qu'un autre pousseur a laissé hier soir à Iffetsheim, qui est reparti. On fait que Strasbourg-Bâle ou Strasbourg-Mulhouse. Enfin, nous sur le Grand Canada, ça c'est du hydrocarbure, c'est du gasoil, du super ou bien des acides pour Haute-Marsagne. Et alors la potasse qui descend sur Anvers. Vous êtes un équipage de combien là à bord du Là, on est de 8 bonhommes. 8 en repos et 8 bonhommes à bord. Et par quart, on est 3 bonhommes par quart. Et le matelot qui se lève quand on a couple la nuit, et puis le cuistot. On commence le matin à 6h jusqu'à midi. Il y a l'autre car qui commence de midi à 15h, puis l'autre de nouveau de 15 à 18h, et puis de 18 à 24h. Alors de 0 à 6 du matin. Et l'après-midi, on fait ce que 3h pour changer, pour ne pas être de quart deux fois de suite dans la nuit. On est jusqu'à 24h ou bien de 0h à 6h du matin. Qu'est-ce qui est le plus délicat dans le pilotage d'un autobus? C'est, je pense, les manœuvres, oui. Quand il y a du vent ou de... Comment ça... La navigation en elle-même, ça va. Mais quand il y a du vent, comme vous avez dit, comme maintenant, et quand il y a du vent, c'est ça qui est délicat. Avant d'être capitaine sur ce pousseur, qu'est-ce que vous faisiez ? Avant ? Oui. Mais j'ai commencé à la CFNR, en tant que matelot, en tant que timonier. Vous êtes passé par l'école des bateliers, oui, en 5, de 57 à 60, oui. Vous êtes resté pendant longtemps, matelot ? De 60 à 66. Mais vous savez, ça aussi, ça dépend. Quand on est venu au poussage, c'est le poussage qui a débuté. Alors, il y avait assez de personnel qualifié déjà. Tous les capitaines des automoteurs qui venaient au poussage, ils venaient comme, les premiers venaient comme capitaine. Ceux qui venaient par après, ils venaient comme timonier. Alors, nous, on était un peu... Et après, quand la Moselle a ouvert en 64, alors là, ça a commencé à évoluer, le poussage. Mais alors, au premier, il n'y avait que le Vidal et Herrenschmidt transformés. Puis dans les années 60, il y a le Gasto Heading et le Lyon qui sont venus. Mais après, en 63-64, c'est là que le volet pousseur. Donc ça, c'est un avion qui passe. Vous êtes originaire d'une famille de mariniers? Non, pas du tout. Je viens de l'Alsace-Bossu, si vous savez où c'est. Près de Saverne. Enfin, près de Sarugnon. Ouais. C'est pas trop difficile comme rythme de vie? Enfin, c'est assez dur, parce que les nuits ne sont pas longues pour dormir, et il y a votre collègue qui fait une manœuvre, qui cogne, vous êtes réveillé, vous savez, c'est assez délicat pour dormir. Vous allez au lit à 6h du soir, vous descendez pour dîner, il faut aller au lit parce qu'à minuit, il faut de nouveau se lever. Alors s'il y a une manœuvre à faire en cours, disons qu'à 21h ou 22h, il y a votre collègue qui commence à manœuvrer, ben, il cogne une fois par-ci ou par-là, ça dépend, hein, les manœuvres. Ben vous êtes de nouveau réveillé, et à minuit on vous réveille pour reprendre le car jusqu'à 6h du matin. Alors, parfois ça joue sur les nerfs ou n'importe quoi, vous savez. Et la vie familiale, comment ça se passe? Enfin, pour moi maintenant, pour moi et pour ma femme, je peux pas vous dire. Nous on le trouve bien maintenant, vous savez, moi je pars mardi matin, je pars, mardi je rentre. On est 7 jours à la maison, ma femme ne travaille pas, alors on est toujours ensemble. Enfin, pour moi, c'est bien. Ceux du Rhin sont partis pendant 12 jours, et nous pendant 7 jours sur le canal. Parce qu'ici, c'est un bateau bien de Colmar. À l'intérieur, vous n'avez pas de bruit. Vous étiez pas dans les cabines, non? Mais vous verrez, dans la cabine, c'est bien sonorisé et tout. Là, il faut se taire dans la cabine, parce qu'autrement, il y a les autres qui se réveillent. Ouais, c'est bien. Ça, c'est... Ouais. Personnel. Ça c'est le capitaine, ça c'est à moi, ça c'est le chambre des couchers à mécanicien. Dans les chambres à coucher, il y a donc un lit évidemment. Il y a deux lits partout dans la chambre des couchers. Mmh. Et un lavabo pour faire votre toilette. Il y en a exactement 5 chambres. Avec toutes les chambres, des 5 chambres, il y a 2 lits. Et normalement, c'est 2 personnes qui dans la chambre. Une qui fait le quart à partir qu'on commence maintenant à matin 6h jusqu'à midi. On a une personne qui est le quart de 6h à midi. Il est dehors et l'autre, il dort. Et alors, qu'est-ce qu'il fait quand il n'est pas de quart, l'autre? Il dort. Ah bon? Oui, il est aussi au réfectoire, mais pas longtemps, cause le quart, pour il travaille jour et nuit. Hein. Alors il dort, on peut y reposer. Il n'y a pas un endroit, une salle commune de si, loisirs? Si, venez. Là, c'est là on peut voir. C'est le douche et les baisers hein, qu'on a aussi. Hein? Voilà, c'est le réfectoire. C'est aussi une salle de repos, donc une salle de détente entre, entre les cas. Oui. Il y a la télévision. Oui, on a la télévision, la radio. Et la cuisine ici. Il y a un cuisinier. Oui, le cuisinier. On croyait que vous êtes resté à mes tableaux pour manger avec, je ne sais pas, mais t'as fait... Non? Ça, c'est. Vous voyez? C'est. La campus. Avec du frigidaire, tous. On prend des ravitaillements pour 8 jours. Et tous les 8 jours, l'équipe qui venait à bord, ils apportent le ravitaillement avec. Vous êtes cuisinier à bord du Colmar alors ? Mais oui, ça fait 3 ans que je suis à bord. On peut faire à manger pour l'équipage, il y a deux services qui mangent, un service mange à 11h30, l'autre à midi. Bon, il y a la vaisselle à faire, il y a l'entretien du réfectoire. Et le soir, c'est pareil, il y a un service qui mange à 5h30, l'autre à 6h. Et après, il y a la vaisselle, un coup de balai, et la propreté. Et du matériel, on en reçoit tous les 7 jours, des légumes frais, des fruits. Bon, de la viande, on en prend une fois par mois, c'est du congelé qu'on reçoit. J'ai une grande commande une fois par mois. Et quand on le reçoit, ça se passe beau. Donc vous satisfait? Je pense, il n'y a jamais de réclamation. Ils vous disent un peu, au fur et à mesure que les équipages défilent, leur goût, leur préférence? Ouais, ça, bon, on voit ce qu'ils n'aiment pas et ce qu'ils préfèrent. Tout. Alors, plus ou moins, on évite de le faire. Aujourd'hui, c'est quoi le menu par exemple? Les côtes de porc poêlées. Bon, comme aujourd'hui, il y a salade de carottes avec du pâté. Et les côtes de porc poêlées, petite salade. Comme on a embarqué aujourd'hui. Tout prêt. Ben ouais, tout prêt. Le dessert? Ah, le dessert, il y a du raisin, oui, aujourd'hui. Bon, le premier jour, on n'a pas tellement le temps de faire les pâtes ou faire la tarte et tout ça. Et le matin, vous leur faites des croissants? Non, dimanche, samedi, dimanche, on fait des gâteaux ou du couclop. Bon, des croissants, j'en fais pas parce que je suis pas pâtissier. Alors, pour éviter que ça rate, j'en fais pas. Ils ont du pain frais? Du pain, bon, le premier jour, il est frais puisqu'on l'emmène avec nous. Après, c'est du congelé. Fait chauffer au four, c'est comme du frais. Sinon, le rythme de vie vous convient? Ben oui, on s'habitue. Hein. Bon, au début, quand je me suis marié, bon, je naviguais 6 ans, après je me suis marié, bon, au début c'était un peu dur. On s'habitue. Surtout quand les enfants sont petits, alors là, ça, c'est pas pareil. Hein. Comment ça se passe? Comment ça? Ça se sent plus les enfants? Donc tout petit ça va, ça. Mais quand vers les 2-3 ans comme ça, ça pense quand même où il va papa et tout. Qu'est-ce qui fait normal? Vous avez déjà emmené sur le bateau? Quand on est arrêté à Strasbourg, ouais. Mais pour naviguer, non. C'est interdit par la compagnie. Interdit d'emmener des femmes aussi? Ben ouais, ça aussi. On risque de perdre la place. Ben oui. Non, je ne sais pas si ça me plairait emmener la femme avec. Non, c'est pas une idée. Pour mettre les enfants en internat après, c'est pas intéressant. Pourtant, les mariniers, bah ouais, mais eux, c'est de génération en génération, pratiquement, qu'ils le font. Ils ont été élevés comme ça, ils ont grandi dans un internat. Et après, ils reprennent le bateau du père. Et pour les enfants, c'est pareil. Je vais pas travailler 16 jours et 7 jours de repos. Du sucre, pardon. Lego. Guy. Lego, yo. Ça y est, les portes sont ouvertes, ouais. Vous savez, on dit Lego, ça veut dire larguer la mare. Et là, qu'est-ce que vous écrivez? Heure de sortie de l'écluse, poussage. On est nouveau en activité maintenant. Le temps que vous êtes dans l'écluse, vous n'êtes pas en activité. Vous savez, les moteurs sont stoppés, vous êtes à l'arrêt. Maintenant, on est en poussage, on est en activité. 11h30, poussage. Je stoppe, hein, Guy. Je dis je stoppe. Vous êtes maintenant en train de sortir. Tant que les deux barques se trouvent encore dans l'écluse, ça va. Vous pouvez pas vous dévier parce qu'il y a maintenant 20 cm, 30 cm sur un côté, pareil sur l'autre. Alors vous cognez sur un côté, soit sur l'autre, ben vous ressortez en clic. Mais quand une fois les premières barques sont sorties, là c'est déjà autre chose parce que là l'angle devient déjà plus grand. Faut pas que vous veniez de travers parce qu'autrement ça cogne de trop. Ouais. Tant que les deux barges se trouvent encore dans l'écluse, ça va parce que si maintenant vous cognez, bah, elle se remet de nouveau droit. Mais quand la première barge est sortie, alors là vous pouvez déjà être avec un angle de 1-2 mètres, alors là ça frotte déjà derrière. Ici à Strasbourg, ce qui était spécial, c'est les portes à vous. Ce que dire, nos portes, au lieu de les portes bus, qu'est-ce qu'il y a sur le canal, c'est des portes qui s'effacent sous l'eau. Donc, c'est des portes descendantes. Ça, c'est spécial à Strasbourg. C'est d'ailleurs la seule écluse qui est équipée de ce système, de cette mécanique. Bon, les sas, ils font 185 mètres utiles. Donc, ce que dire, c'est ça ce qu'on écluse. Le grand sas, il fait 24 mètres de large. Le petit sas, il fait 12 mètres. Alors, oui, à peu près ce que ça représente. On fait à peu près un trafic moyen de 80 bateaux, 24 heures. Alors c'est quand même assez. Surtout quand on regarde un peu le tonnage. Hein. Si vous voyez un convoi comme le convoi que vous voyez là, hein, il peut charger jusqu'à combien? À peu près 8800, hein, avec 4 barges. 8800 tonnes. Alors c'est quand même déjà impressionnant. Hein. Partant de brouillard, il faut quand même dire que c'est circuler avec un convoi pareil, partant bouché. Hein. Ce que dire, on les aide dans ce sens en leur disant, bon, maintenant vous pouvez y aller, tel ça, s'il est prêt. Hein. Dans ce sens, on peut les aider, mais autrement, on peut pas les aider. Hein. Vous ne pouvez pas les guider quand non. Ah non, ça, c'est pas notre rôle. Hein. Notre rôle, c'est pas de guider les. Par exemple, l'écluse Gamsheim et Iffelsheim, ils peuvent mieux les aider qu'ici. Parce qu'ils ont deux sas du même gabarit. Alors, si par exemple, ils ont le vent, Voilà. Ils peuvent dire je vous donne ce sas, voilà, qui vous aide. En priorité, oui. Qui vous aide, surtout si c'est des barges. Oui. Qui vous aide. Tandis que chez nous, avec 4 barges, il y a uniquement le grand sas. Donc le grand sas, il est placé de ce côté-là, hein, puis c'est tout. Hein. Si elle mord, alors, si effectivement il y a un vent fort latéral, alors là, souvent avec des barges vides, hein, vraiment. Il y a des moments. Du bon côté, c'est bon. S'il voilà, s'il est du mauvais côté. Mais autrement, nous, on ne peut pas les. Parce qu'il faut quand même dire que moi, par exemple, j'ai déjà, bon, ça fait 15 ans que je suis ici, hein, et ben, j'ai déjà eu des nuits, on a éclusé une vingtaine, 30 bateaux, et puis j'en ai vu aucun. Ce que dire, même ici dans le sas, on est tellement bouché que même je ne les voyais pas dans le sas. Hein. Alors ils s'annoncent, hein, bon, quand ils sont, alors moi je dis, bon, maintenant vous pouvez y aller. Alors eux, ils se fient complètement sur nous, et nous, on se fie complètement sur eux. Hein. Dire quand un moment dit bon vous êtes bien dans les limites, on peut y aller, dit bon on peut y aller, c'est bon, on est amarré et on lance les cycles, on écluse dans ces conditions. Alors ça c'est quand même, je vous dis, c'est surtout quand on est débutant, hein, moi je vous dis par temps bouché, vous éclusez une nuit 30 bateaux, vous rentrez, vous dites bon j'ai éclusé 30 bateaux, j'en ai vu aucun, hein. C'est quand même assez délicat quand il y a du brouillard. Premièrement, il faut aller tout doucement parce que vous savez, sur le radar, c'est bon. En question de navigation, c'est de nouveau bien, ça va de nouveau. Vous voyez les berges, vous voyez un autre bâtiment qui arrive, vous voyez les bouées, ça va. Mais alors, c'est de nouveau les manœuvres qui sont délicates. Quand vous arrivez à l'approche d'une écluse, c'est de nouveau pareil, vous avez juste une petite ouverture, vous avez une ligne de foie. Au radar, ça c'est une ligne imaginaire qui part de l'axe du bateau jusqu'au zéro sur le. Alors, vous avez cet axe-là, vous le mettez juste, il y a de 2 mm à peu près un englement. Vous voyez une ouverture, ça c'est l'ouverture de l'écluse là. Là, vous mettez votre ligne deux fois dedans et après, quand vous êtes à l'approche, à peu près d'une dizaine de mètres, le timonier devant est déjà en train d'avoir des échos, vous savez. Alors, il vous dit à peu près 10 mètres, mais c'est là qu'il faut aller tout doucement. C'est faisable, on le fait, mais au ralenti, quoi, au ralenti. Parce que déjà, s'il y a du brouillard et que vous voyez encore la terre, les berges, là ça va. Alors vous voyez bien la vitesse du bateau. Parce que quand c'est bien fermé sur le radar, vous ne voyez pas la vitesse. Parce que vous avancez, si vous avez encore du 4 km ou du 5 km à l'approche de l'écluse, vous savez. Alors, vous êtes habitué, quand vous rentrez dans l'avant-port, ça veut dire l'avant-port de l'écluse, c'est à peu près toujours à 500-600 mètres avant les portes. Là, vous allez tout de suite sur ralenti. Alors, c'est une habitude. Quand vous approchez plus près, vous stoppez une machine, vous laissez avancer doucement. Alors quand vous voyez, hein, on est encore à 200 mètres de l'écluse, vous mettez tranquillement sur marche arrière. Et vous laissez avancer tout doucement sur marche arrière, que si vous êtes un peu de travers, on a pourquoi vous puissiez vous arrêter dans les prochains 10, 5, 10 mètres. Il ne faut pas aller vite, quoi. C'est ça. C'est plus fort là, les gars, hein. Ah, puis c'est si je peux, tout. Comment elle reste à mon point? Puis c'est bien le temps de chemin, pour me longtemps, puis c'est plus de réseau. J'ai commencé ici, dans le boîte, j'ai commencé, c'est 49. J'ai commencé 14 ans. Et mon père, il est déjà navigué avant. Moi, je suis la cinquième génération sur les bateaux. Je suis né 35, le 11 août 1935, je suis né à Bad Salzigsa, c'est dans les Gebirg, Allemagne. Et 8 jours après, j'étais sur le bateau, c'était ancien remorqueur des dragues. Encore, je navigue avec mon père, il enfant déjà. Et après, on a des automoteurs. Après les automoteurs, on a commencé ici, c'est 58, on a commencé avec des pousseurs. Yeah. That's why it's a bank? Il a marré devant encore. Il vient. Now go. Comment ça comme cendre. Ça me pose, là, mais ça, tu pousses voir là, là. Pourquoi? On n'a pas de matériel devant? On le cherche tout de suite, hein. On cherche tout de suite le matériel sur le barge. D'accord. Alors, donc, vous êtes resté matelot sur le remorqueur de 14 ans, à quel âge? J'ai commencé sur le bateau, ça c'est une automoteur dans le temps, c'est les Victor, c'est Victor s'appelle l'automoteur. J'ai fait le mousse, ça c'est le mousse. Oui. Et après, avec 16 ans, j'ai commencé déjà le deuxième matelot. C'était, on a débarqué avec mon père, j'ai descendu l'automoteur sur le chalon. Et sur le chalon, j'ai commandé le matelot, j'ai fait le matelot. Et après, on a retour. C'est des automoteurs. Et là, j'ai fait matelot et après timonier. Avec 56, quand j'étais sur l'automoteur, 57, j'ai marié. Et ma famille est aussi encore naviguée avec moi sur l'automoteur. Et j'ai commencé avec 59. 59, oui, j'ai commencé capitaine sur l'automoteur. Alors l'équipage se composait de votre femme, de vous? Oui, mais ma femme, elle est pas il fait pas matelot, rien du tout. Elle travaillait pas du non, tout. Non, il fait seulement le ménage en bas. C'est pas comme sur les péniches. Non, pas sur les péniches. Alors donc il y avait un capitaine. Un capitaine, une timonier et une matelot. Et ça peut aussi des côté bateliers, c'est des ils commencent apprentissage, c'est des mousses. Et c'était un bateau qui faisait quel gabarit? Ça, c'est des automoteurs, c'est, on n'a plus ici, non, on ne voit pas. C'est des automoteurs de 890 tonnes. 900 tonnes, quoi. 1000 tonnes, on peut dire, presque. J'ai commencé ici, sur le pousseur, ça c'était 61. J'ai commencé sur le pousseur au timonier. Et 6 mois après, j'ai commencé capitaine sur le pousseur. C'est un changement dans votre façon de vivre, puisque... Ah oui, c'est un grand changement pour... On naviguait avec le radar et avec la longueur. Ça, c'est un grand changement. Et le grand changement, c'est peut-être aussi que votre femme a débarqué? Oui, ma femme, elle est restée à terre. Elle n'a pas le droit pour naviguer encore avec. C'est le poussage. Ça s'est bien passé? Elle n'était pas trop triste? Non, donc, le moment... quand le premier année, c'était... je dis franchement, c'était... pour ma femme aussi, elle était toujours avec moi à bord. Après, quand il restait une fois à terre, hein, c'est plus une famille. Hein. On part pour, dans le temps, on a parti 28 jours, on rentre pour 2-3 jours. Après, on va de nouveau partir 16-17 jours. Dans le temps, c'est pas encore 61 et 62, c'est pas réglé encore avec le repos. Après, on a commencé avec 7 jours, 14 jours travaillés, 7 jours repos. Et maintenant, on fait 7-7 ici, sur le Colmar. Et sur les grands pousseurs, on fait 12-12. Le 13e jour, on embarque, le 13e jour, on débarque. Qu'est-ce qui rentre au port de Strasbourg? On fait bâbord à bâbord. Hein? Ok, bâbord à bâbord. Hein? Comme si vous alliez de l'avant. Hein? Oui, d'accord. Ça fait quand même 76,50 m. Ça fait 153 mètres et le pousseur en plus pas 25 mètres. Il y a 18 mètres d'écart avec le mur à l'avant. Je m'y espérant. Mais juste bolard avec la terre. Les navigations de nuit, comment ça se passe? Mais la navigation du soir, on navigue au radar. Et puis à l'approche, des pots, des avant-pôles là de l'écluse, vous voyez. Vous pouvez bien illuminer, alors c'est assez clair. En nuit normale, sans brouillard, alors là vous pouvez, quand vous arrivez dans l'avant-pôle, vous pouvez un peu vous diriger sur l'intérieur de Chiration, et puis vous voyez l'entrée de l'écluse. Alors vous laissez aller tout droit là, alors vous prenez après le milieu. Alors il y a le timonier de nouveau qui se trouve à l'avant, qui vous dit de nouveau les distances. Il vous dit à 100 mètres du mur guide, ça c'est ça le petit truc. Et après quand on approche, il y a il est sur le côté tribord, il vous dit 1 mètre d'écart avec le mur de l'écluse, 50 cm. Alors vous savez, hein, il vous reste encore à rabattre sur tribord de 20 cm, comme ça vous dirigez doucement. À 16 mètres d'écart avec le mur, on est à la hauteur du boulard avec la tête. À 14 mètres d'écart avec le mur à l'avant, on avance doucement. Et une vingtaine de mètres à l'avant jusqu'au ponton. Toujours 14 mètres d'écart et on avance doucement. Comment est-ce qu'on apprend à évaluer les distances comme ça entre le bateau et les quais? Ben ça, c'est-à-dire que c'est à coup d'œil, il y a une habitude. Quoi. Donc au début, on se trompe toujours, même plus ou moins, même si on a l'habitude, on se trompe toujours. Hein. Parce que la nuit ou le temps de brouillard, vous savez, sur l'eau, quand vous voyez rien, une distance est dure à évaluer. Quoi. Disons que avec l'habitude, on arrive toujours à voir un petit coup d'œil. Quoi. On essaye. Comment vous êtes arrivé comme timonier? Ben ça c'est. Bon, disons, maintenant, ça marche plus tellement comme ça. Avant, c'était par l'évaluation du capitaine que lui estimait qu'il était capable. Alors, il parlait au bureau, d'aller chez le chef du personnel. Et puis, alors, c'est là, on montait par échelon. Vous avez d'abord fait une école? Oui, j'étais à l'école des bateliers. J'ai fait 3 ans, j'ai fait mon CAP. Et après, je suis embarqué comme mousse, enfin, disons, matelot débutant. Après, il y a maintenant première action, deuxième action, troisième action, et maintenant timonier. Et après, bon, il y a timonier, mais là, je suis encore pas tout à fait là. Quoi. Ça va peut-être venir, et toi, j'espère. Et après, timonier? Timonier, c'est capitaine. Enfin, disons, vous avez là, capitaine, c'est pareil, vous avez stagiaire, enfin, vous avez plein de trucs. Là. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir travailler sur un bateau? Ben, disons, exactement, je peux pas tellement dire, parce que, bon, moi j'ai toujours aimé les bateaux. Pourquoi dans ma famille, il n'y a jamais personne qui était batelier ou n'importe quoi. Mais avec mon père, par hasard, il était à l'école des bateliers. Et lui, ça ne l'intéressait vraiment pas. Mais on l'a mis plus ou moins, je ne veux pas dire de force, mais enfin, disons qu'on l'a placé à l'école des bateliers. Et il n'a pas fini ses 3 ans. Puis moi, comme j'étais le plus jeune, j'ai dit, tiens, je vais essayer, je vais le faire. Et voilà, je suis là. Quoi. Vous ne regrettez pas? Non, disons, le travail, il me plaît. Le travail me plaît, mais c'est, si on veut, bon là sur un petit pousseur ça va, mais sur certains gros pousseurs c'est l'ambiance qui me plaît plus tellement. Sur les gros, à l'époque où moi j'étais dessus, on était à 12, et là c'était toujours quelqu'un qui arrivait à pas s'entendre avec. Et une fois qu'il y a deux personnes qui s'entendent pas, bon, l'ambiance est cassée. Hein, vous savez, si tout le monde rigole ensemble, bon, ben, c'est bien, quoi, le voyage passe vite. Mais il suffit qu'il y ait deux personnes qui s'entendent pas. Ça casse l'ambiance, quoi, ça, tout le monde s'énerve, tout le monde. Puis 12 jours, c'est long. Enfin, disons que je l'ai fait, je le referai peut-être une fois, je serais peut-être obligé. Mais 12 jours, c'est long. Hein. Les 6 premiers jours, vous rigolez ensemble, et puis les 6 derniers jours, il y a les nerfs qui commencent à jouer. Là. Alors, je ne vais pas dire qu'on se claquerait là pour tourner, mais enfin, c'est presque ça. Quoi. Et là, sur un petit pousseur, on est moins de personnel, on arrive à plus s'entendre, et puis 7 jours, ça passe quand même plus vite. par ici, c'est soit pour la poussière ou on a beaucoup de travail quoi, sur le canal. Là. Vous avez les écluses, les... C'est-à-dire, on part de Strasbourg 10-12 heures après, on est en haut à Bâle, et là, à coupe large, on n'arrête pas, quoi, pour ainsi dire. Mais disons que ça va, on s'entend bien. Quoi. Et vous travaillez toujours avec les mêmes personnes? Ouais, plus ou moins. Ouais. Ouais, de temps en temps, il y a des changements. Une personne qui va sur un autre pousseur, ou il manque un personnel, du personnel sur un autre pousseur, on le prend, on le met ailleurs, puis après on reçoit quelqu'un d'autre. En général, on est plus ou moins ensemble. Quoi. Et comment ça se passe avec vos amis qui habitent à terre? Oh, ça se passe assez bien. Quoi. Ben, disons qu'on se perd quand même plus ou moins de vue parce que, bon, disons, nous, on est déjà pas là bon, la semaine. Tout le monde travaille, ce qui est normal. Mais le week-end, un week-end sur deux, on est pas là, alors on se voit pas. Le week-end, on est à terre, vous savez, on n'a pas tellement envie de se promener. On est bien se reposer. Et on est bien resté avec la famille aussi. On se perd plus ou moins de vue. C'est pas comme certains les copains qui travaillent à terre. Ils se voient le soir après le boulot, ils se voient le week-end. Mais là, on se perd de vue, moi, pratiquement mes copains que j'avais avant, je les vois pratiquement plus. C'est rare. Ouais. Mais ça ne vous a pas découragé? Vous avez l'intention de continuer quand même dans cette voie-là? Ouais, si on me le permet, je continue. Moi disons, le travail me plaît, le métier me plaît. Moi disons que j'aurai encore assez d'ambition. Quoi, moi j'essaye d'apprendre le maximum, j'essaie de faire le maximum que je peux. Quoi. Quand on a une petite amie, comment ça se passe? Ah ben, ça c'est pareil. Enfin disons, moi je suis marié. Mais disons que ça se passe, c'est un choix à faire. Au départ, la femme doit suivre. Enfin disons, doit suivre. Moi, ma femme, disons, on vivait ensemble pendant 2 ans. Bon, ben, elle a choisi. Moi, j'ai dit, bon, je quittais pas le métier parce que ça me plaisait. Et envers les collègues de mon âge qui travaillent à terre, question de salaire, à la rigueur, je gagne un peu plus qu'eux. Je ne vais pas dire qu'ils gagnent une fortune, mais enfin, disons que je gagne un peu plus qu'eux. C'est supportable, quoi, disons. C'est un sacrifice. Quoi. Un matelot qui démarre sur un pousseur, combien est-ce qu'il gagne? Actuellement, je ne peux pas vous dire exactement, il faudrait que je demande au collègue, mais je crois que c'est dans les 4200 ou 4300 net. Je crois. Et vous êtes donc nourri et logé? Oui, nourri et logé pendant 7 jours. Donc si vous voulez, vous avez encore la nourriture à calculer, à tenir en compte. Et vous avez aussi les 7 jours de repos qui est compensateur. Ce qui est aussi pas négligeable. Et des loisirs à bord du bateau? Ben disons, on s'est fait nous-mêmes. Ouais, c'est-à-dire? Ben disons que, bon, ben, là, moi, j'ai changé d'équipe, mais avant, disons, on avait fait une petite table de ping-pong, on jouait au ping-pong, il y a la télé, il y a. De temps en temps, on est ensemble, on se raconte des blagues, il y a des livres, on se débrouille, quoi, on essaie de se faire nos loisirs nous-mêmes, quoi. C'est vrai que dans la marine fluviale classique, le couple était à bord d'un bateau. Ils naviguaient ensemble tout ouais. Le temps. Est-ce que c'était un mode de vie qui vous aurait plu? Ouais, disons que dans le sens où faut pas être de trop quand même. Alors. Disons que sur un automoteur où vous êtes à trois, disons le timonier, matelot, capitaine. Là je dis pas, ce serait possible, mais disons à 7 personnes avec les femmes et tout ça, bon, c'est pas que ça irait. Et là vous disiez, on est dans les cimetières des pousseurs. Ouais, bah, disons, ça c'est nous qui l'appelons comme ça, le cimetière des pousseurs. Ouais. Ouais. Bah disons que c'est tous les pousseurs qui sont pratiquement disons inutiles parce qu'il n'y a plus de travail pour eux. Quoi. Alors, ils les entreposent là. Ils les mettent là et puis sont. Disons des fois vraiment il y a beaucoup de travail, alors ils les remettent en marche. Disons comme la tempête, celui qui est au milieu, quoi, juste derrière le Strasbourg. Lui est en période de basse eau, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfoncement. Alors disons ils arrêtent pour le Strasbourg en général comme il y a beaucoup d'enfoncement. Ou au berger ou les gros pousseurs. Et puis alors pour faire le Haut-Rhin, ils l'utilisent. Depuis le début de la récession, il y a eu beaucoup de licenciements. Exactement le nom, je ne peux pas vous dire, mais je crois que c'est dans les 80 licenciements, bon, disons avec départ, pré-retraite et retraite. 80 personnes. Et depuis 1980, ça décline. Ben pour le moment, disons qu'ils licencient pas, mais disons que les départs ne sont pas remplacés. La 16 mètres des gars avec le mur, mais à la hauteur du boulard avec la tête. À 14 mètres d'écart avec le mur à l'avant, on avance doucement. Et une vingtaine de mètres à l'avant jusqu'au ponton. Toujours 14 mètres d'écart et on avance doucement. Là, vous changez de longueur d'onde? Oui, parce qu'il y a l'éclusé qui est en train de discuter avec quelqu'un là. Mais je me mets sur le sémaphore de Strasbourg. Ça, c'est pour l'entrée du port de Strasbourg, pour prévenir le monsieur de service qui se trouve sur le sémaphore si l'entrée du port de Strasbourg est libre. Alors, parce qu'on ne voit pas l'entrée du port, alors il vous dit, oui, vous pouvez rentrer ou attendez un peu. Donc, maintenant, nous, on est à Vallon. Alors, la Vallon, elle est prioritaire. Alors, s'il y a quelqu'un qui voudrait sortir, il leur dit d'attendre un peu. Il y a le Colmar qui voudrait rentrer avec 4 barges. Et le canal 10, ça c'est pour bateau-bateau. Si vous voulez parler avec un autre bateau, qu'il vous demande ce qu'il veut faire ou bien s'il veut changer d'heure. Voilà. Et avec les 4 barges, votre moyenne, c'est combien? Avec éclusage, avec, disons, sans attendre, en aval, 12-13 km en aval. Avec l'écluse, avec. Parce qu'autrement, sur le Rhin, sans écluse, on fait quand même 17 à 18 km. Ouais, c'est pas vite, mais c'est quand même. Si, c'est. Et en amont, ça dépend aussi le tonnage en amont. Vous savez, si vous avez 2 barges en flèche ou si vous avez 4 barges, c'est aussi une moyenne de 5-6 km. Pour nous, pour le Colmar. Parce que les gros, ils s'avancent plus vite. À peu près de Strasbourg à Bâle avec 4 barges, il nous fait à peu près 24 heures. Strasbourg c'est au pic à 295 et Bâle c'est au 150 pendant environ. 24 heures quand vous êtes à Vallon? Non, montant, quand on est montant. Quand vous êtes à Vallon? Quand on est à Vallon, il nous faut une 14 heures, 15 heures. Ouais. Là on a aussi un automoteur qui pousse, un chaland mais spécial, ils sont. Fait que la navette Rotterdam-Strasbourg-Bâle avec des corps. Enfin, il s'arrête partout, c'est comme la SNCF, il part de Rotterdam, il décharge peut-être à Rouvroy, puis à Mannheim, Strasbourg, Bâle, et puis il redescend. Vous êtes d'écart avec le mur, et jusqu'à le boulard. La tête est à la hauteur du petit boulard, on va au petit boulard, on est juste à la hauteur. Une douzaine de mètres à l'avant jusqu'au ponton, 10 mètres d'écart avec le mur, 5 mètres d'écart avec le mur et 3 longueurs de boulard jusqu'au ponton. avec Julienne Grimaud, bateau Saint-Louis, Monsieur Muller, directeur du lycée d'enseignement professionnel de Strasbourg, les professeurs et les élèves du lycée, Monsieur Keck, écluse de Strasbourg, et tout l'équipage du Colmar. Nuit magnétique, Laure Adler, Michel Créis, Jean Fèvre, Josette Collin. On laisse avancer comme ça, c'est bon. C'est toujours pareil comme ça à l'avant. Bien. Vous voulez essayer ? Oui. 30 cm. 20 cm d'écart à l'avant. Toujours 20 cm à l'avant. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 janvier 1988, une émission qui reçut le prix Paul Gilson 1988. À lire également La vie des mariniers de Josette Collin, édition Plomb. À venir, le quatrième volet de la série, Les mariniers se recyclent, les péniches aussi. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les nuits de France Culture. Run deep, run wild. I fall.